Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Deux blessés, c'est le bilan d'une attaque à la grenade menée à la nuit dernière au centre Lusaka. Nous sommes en province de Mwaro. La police a dit avoir déjà commencé des enquêtes. L'épidémie de choléra est signalée à Nyanza-Lac. 13 cas sont déjà enregistrés à l'hôpital public de cette localité. Le port de courtes jupes et de pantalons style pocket down est interdit à l'école. Cette mesure du ministère de l'Éducation s'applique à tous les élèves de l'école publique ainsi que des écoles privées. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais en titre, deux personnes ont été légèrement blessées suite à un jet de grenade au centre de Lusaka. Nous sommes en province de Mwaro. C'était vers 20h30 de la nuit dernière. La police nationale qui confirme l'information indiquait que Wibelahino Aloïse, âgé de 62 ans, a été blessé au bras et Nina Hazwe Patience, âgée de 34 ans, a été blessée au dos. Sur la page santé, 13 cas de choléra ont été enregistrés à l'hôpital public de Nyanza-Lac depuis vendredi dernier. Le médecin-chef de district sanitaire de Nyanza-Lac appelle la population de cette localité à respecter les règles d'hygiène et surtout éviter l'utilisation de l'eau du lac Tanganyika ou celle des cours d'eau. Jean-Pierre Misago. Certains de ces malades de choléra sont venus des quartiers résidentiels Nyamirongo et Gitunda sur la colline Kabondo. D'autres sont originaires des collines Bukeye de Mvugo, Nyabutare et Kazirabageni. Et cela depuis vendredi dernier selon des informations obtenues de l'hôpital public de Nyanza-Lac. Tous ces malades sont dans un centre d'isolement aménagé au centre de santé adventiste de Bukeye. Docteur Désiré Nibizi, médecin-chef de district sanitaire de Nyanza-Lac, reconnaît que des cas de choléra sont en train d'être soignés au centre d'isolement de Bukeye, mais que seul le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida a les compétences de déclarer l'épidémie de choléra dans une région donnée. Selon son médecin, les médicaments contre le choléra sont disponibles et en quantité suffisante et appelle la population, surtout celle du chef-lieu de la commune Nyanza-Lac, de conduire à l'hôpital dans l'immédiat toutes les personnes ayant des vomissements et une diarrhée d'aspect odori. Alors que des cas de choléra ont été rapportés à Nyanza-Lac après une semaine de manque d'eau potable au chef-lieu de cette commune, Docteur Désiré Nibizi appelle au respect des règles d'hygiène et surtout d'éviter d'utiliser l'eau du lac Tanganyika et des ruisseaux ou celle des rivières, indiquant que la régie des eaux et l'administration communale sont à la dernière étape de renormalisation de la distribution en eau potable au chef-lieu de la commune Nyanza-Lac. Jean-Pierre Misago de Nyanza-Lac, Radio Isanganiro. Nous disons merci à Jean-Pierre Misago sur la page « Bonne gouvernance ». Les personnes qui ont été arrêtées samedi dans les enceintes de l'Université du Burundi sont sommées de payer une amende de 15 000 francs burundais à verser sur le compte de la mairie de Bujumbura pour être libérées. Au niveau de la mairie, on indique qu'on n'est pas au courant de cette amende. Placide Niyomungere pour les détails. Libérées du bureau spécial de recherche BCR, ces personnes à majorité des mémorants étaient obligées de verser une somme de 15 000 francs bou sur le compte 22-99-01-34 ouvert à l'Interbank Burundi au nom de la mairie de Bujumbura, comme nous l'avons constaté sur les bordereaux. Ces personnes libérées affirment que le versement était opéré par leurs visiteurs. Nous qui ont été arrêtés par la police, nous étions obligés de rester dans les enceinte de la BCR. Si vous n'avez pas une autre personne qui vienne vous visiter pour en faire payer cette somme d'argent, c'est-à-dire que vous devez en fait rester dans les enceintes de la BCR. Pour eux, difficile de comprendre le motif de cette taxation d'amende, mais justifie-t-il l'essentiel est qu'ils ont été libérés. Bien que cette somme n'a pas une explication donc valable, nous, ce qui compte pour nous, c'est d'être libérés. Contactez à ce dossier le porte-parole de la police pour savoir le pourquoi de cette amende. Pierre Mouliquier nous ont dit qu'il s'agit d'une amende administrative et nous ont renvoyé à la mairie de Bujumbura. Pourtant, le maire de la ville, Freddy Mbonimpa, et le commissaire chargé de la sécurité de la capitale Bujumbura ont dit à la radio Sanganiro qu'ils ne sont pas au courant de cette taxation de cette amende de 15 000, mais promettent de mener leurs enquêtes. Rappelons que la police burundaise avait précisé samedi que les personnes qui ont été touchées par cette opération dans les enceintes du campus Mutanga, en grande partie composée par des mémoras, étaient au nombre de 98. Merci à Placide Niomungere. Sur la page éducation, tous les élèves de l'enseignement fondamental et post-fondamental devront avoir des cheveux coupés et ne porteront pas de boucles d'oreilles pour la prochaine année scolaire. Pour les garçons, le port de pantalon style pocket down sera également prohibé, et cela en conformité avec le nouveau règlement scolaire harmonisé. Cependant, dans une conférence de presse, le porte-parole du ministère de l'Éducation a précisé que les écoles gardent le droit de confectionner les uniformes comme elles le faisaient avant. Et cela concerne aussi bien les écoles publiques que privées. Suivez Juma Edouard, il est porte-parole du ministère de l'Éducation. Je voudrais saisir cette occasion pour apporter un éclairage par rapport à une confusion qui a été due à la déclaration de Madame la ministre concernant l'uniformité des élèves de l'enseignement fondamental et post-fondamental, compte tenu du règlement scolaire harmonisé qui sera en vigueur à partir de la rentrée prochaine. L'uniformité dont Madame la ministre a parlé concerne à la fois l'accoutrement, c'est-à-dire la tenue que doivent porter les élèves, et ce qui est peut-être un élément nouveau sur lequel la ministre a insisté, la présentation générale des élèves, en l'occurrence les cheveux qui doivent être coupés, en l'occurrence les ports des boucles d'oreilles et autres. La ministre voulait insister sur le fait que désormais, le port de boucles d'oreilles, des cheveux défrisés ou tressés, toutes ces choses-là seront prohibées, y compris dans les écoles privées. C'est ça l'uniformité dont on parlait la ministre. Sinon, en ce qui concerne la tenue proprement dite, les écoles vont confectionner ou distribuer les uniformes comme ils l'ont toujours fait. Un point important à noter, c'est que dans le nouveau règlement scolaire, il est bien précisé que les jupes courtes ou les pantalons pocket down qu'on voit chez les élèves, tout cela est prohibé, ne sera plus accepté. Donc les uniformes, ils vont les confectionner comme ils l'ont toujours fait, mais dans le strict respect du règlement scolaire qui sera en vigueur à partir de septembre. Les responsables religieux de l'église de la promesse divine de Kamenge demandent à être assistés en vue de prendre en charge un nouveau-né qui a été abandonné dans leur église. La mère de cet enfant, Lalissi, a une femme qui était assise à côté d'elle lors d'un culte. Pasteur Barazingiza Michel, responsable de cette église, invite toute personne qui voudrait venir en aide à cet enfant de l'approcher. Les détails avec Alida Ndaikeza. Cet enfant porte le nom de Mugisha Moïse. C'est un nourrisson qui n'a pas plus d'un mois, qui pèse entre 2 ou 3 kilos et a été abandonné dans une église par sa mère quand il avait 5 jours, comme l'explique Michel Barazingiza, pasteur de cette église. Nous étions dans le culte du soir. Il y avait une femme qui avait un enfant. Elle a laissé cet enfant et puis elle est partie. On ne savait pas où elle est. Celui qui a resté avec l'enfant nous a dit que la mère qui l'a laissé, elle a dit qu'elle va au toit. Elle a fait 2 heures du temps sans retour. Comment vous avez su que cet enfant avait été abandonné? Dans le sachet que celui qui avait l'enfant nous a dit, on a fouillé dedans, on a trouvé un petit mot. La mère de l'enfant a écrit qu'elle va mourir, alors elle ne voulait pas mourir avec cet enfant et que l'église aide cet enfant pour que cet enfant évolue. Après avoir été accueilli, ce bébé est pour le moment entretenu par une femme d'église. Cet enfant, on a essayé dans le peu que nous avons et de le mettre chez l'enseignant de l'église. Pour le moment, c'est là où il est. Ce que nous voulons, c'est avoir quelqu'un qui peut nous aider à faire évoluer cet enfant. Toute personne qui voudrait aider cet enfant, il est à l'église de la promesse divine, se trouvant au quartier Kamenge, 5e avenue, numéro 77. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, une semaine après la catastrophe naturelle du 13 au 14 août qui a fait près de 500 morts, les rescapés sont dans l'angoisse et aux États-Unis d'Amérique, il y a eu une éclipse totale du soleil dans 14 États et en Gambie, 69 Sénégalais ont été expulsés ce dimanche soir. Les détails, c'est dans ce papier signé Mireille Kanyang. On me signale que le papier n'est pas encore prêt. C'est sur cette actualité internationale que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Deux blessés, c'est le bilan d'une attaque à la grenade menée la nuit dernière au centre de Lusaka. Nous sommes en province de Moaro. La police dit avoir déjà commencé des enquêtes. L'épidémie de choléra est signalée à Nyanzalak. 13 cas sont déjà enregistrés à l'hôpital public de cette localité. Et le port de courtes jupes et de pantalons style pocket down est interdit à l'école. Cette mesure du ministère de l'Éducation s'applique à tous les élèves des écoles publiques et privées. Et voilà, c'est la fin de cette édition en langue française. Merci de l'avoir suivi.